Are you ready? J'accueille en studio Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut Technologie, Information et Société ici à l'Université Laval. Salut Raymond. Salut. Aujourd'hui, on parle de Startup Camp 2012. Exactement. Qu'est-ce que c'est? Question pertinente, c'est la troisième année, je crois, que la Voix des entrepreneurs en TI de Québec, en collaboration avec Québec International, organisait ce camp-là. L'idée étant de donner une opportunité aux entreprises en démarrage, aux startups, d'aller se présenter, d'aller faire, si on permet l'anglicisme, un premier pitch de vente auprès d'investisseurs potentiels, de partenaires potentiels, de représentants d'institutions, de réseaux socio-économiques, etc. Et c'est un peu un concours aussi. Donc, dans le fond, il y a une invitation qui est lancée aux startups de la grande région de Québec qui présente un dossier de candidature. Ensuite, il y a un processus d'élimination. Et là, c'était la finale, si on peut dire, de ce processus-là qui nous amenait 8 entreprises en démarrage à l'auditorium de l'ENAP qui présentaient donc en 10 minutes les orientations de leurs entreprises. Puis par la suite, ben, il y avait rétroaction de la part du jury, de la part de l'audience, poser des questions, approfondir certains éléments. Et au terme de tout ça, ben, la start-up de l'année était nommée. Dans ce cas-ci, c'est une entreprise de jeux vidéo qui s'appelle Fadecraft, qui, eux, présentaient un projet de jeu social un peu dans la lignée. En fait, on connaît beaucoup, exemple, Farmville, Cityville, Mafia Wars et autres. Alors, ce que lui nous disait, c'est, regardez, ces jeux-là, c'est la première génération de jeux sociaux. C'est des jeux qui ont amené un nouveau profil pour les joueurs. Le joueur qui est de plus en plus, bon, une femme dans la quarantaine, etc. Donc, on a amené des gens à la sphère du jeu vidéo. Et ils estiment que avec le succès de ces jeux-là, ben ça a préparé le terrain pour aller un peu plus loin, pas pour aller trop loin, mais simplement faire un pas de plus dans l'implication qui est nécessitée à travers de cette plateforme de jeux-là. Et eux vont appliquer l'univers de du fantastique, donc un monde qu'ils vont essayer de mettre en place avec des objectifs, etc., dans l'esprit de ces jeux-là, mais avec un peu plus de complexité. Et peut-être, en fait, ce qui a fait la différence, c'est que la plupart des autres entreprises étaient venues présenter un seul produit et disaient, ben, c'est autour de ce produit-là que je vais bâtir mon entreprise, comme c'est souvent le cas. Mais eux, déjà, il y avait des idées claires, nettes et précises d'autres produits, d'autres éléments, parce qu'ils disaient, regardez, oui, il y a le jeu, mais ce qui va être important, c'est qu'autour de ce jeu-là, on va développer une plateforme. Sur cette plateforme-là, on sera en mesure d'aller placer d'autres jeux, d'autres programmes pour vraiment faire quelque chose d'un peu plus global. C'est des jeux, ben des jeux sociaux, tu l'as dit, qu'on va retrouver sur Facebook, sur les médias sociaux, finalement. Exactement. Et c'est un créneau extrêmement lucratif. On parle quand même de milliards de dollars qui se brassent là-dessus. C'est des applications, en fait, qu'on peut jouer gratuitement, mais l'argent, ils vont la chercher auprès de joueurs qui sont prêts à payer pour bonifier leur expérience. En fait, tous ceux qui ont joué à Farmville, notamment, savent qu'à un moment donné, ben, on peut donner des sous, de la vraie argent pour avoir des avantages virtuels sur le jeu. Alors, eux misent un peu aussi là-dessus. Donc, c'est un modèle qui s'appelle le « free-to-play », entre guillemets. Donc, c'est une plateforme sur laquelle ils vont pouvoir créer plusieurs jeux, c'est ça? Exactement. Okay. Alors ça, c'est Fadecraft. C'est eux qui ont gagné donc le Startup Camp 2012. Évidemment, des 8 autres, il y a toujours des propositions aussi qui nous rejoignent un peu plus. Moi, j'en ai retenu 3 qui m'ont semblé assez intéressants à l'instant, évidemment. Notamment, un professeur de l'Université Laval qui est à la Faculté d'aménagement d'architecture et des arts visuels, François Giard, qui lui est venu présenter une initiative, un projet qui s'appelle Talk Author. Et ça, c'est dans un premier temps l'enregistrement d'une plateforme de conversation. Dans le fond, on enregistre quelqu'un qui pose des questions. Et donc, ces questions-là vont être posées pour vrai ensuite à des gens qui vont s'abonner à ce service-là et qui vont aller répondre à ces questions dans l'idée d'aller se créer une banque de souvenirs, une banque de mémoire. Donc, lui était parti de l'idée qu'avec le décès de son père, ben, tous les souvenirs, tout le parcours de son père était parti avec lui, tout ce qui n'avait pas été noté, dit, enregistré. Et donc, il dit, ben, regardez, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on peut plus se permettre de perdre cette mémoire-là. Il faut l'intégrer autrement. Il faut trouver un moyen de la rendre accessible. Et donc, on enregistre, exemple, exemple, mes réponses à ces questions-là. Et mes enfants vont pouvoir ensuite prendre l'enregistrement qui a été fait de moi et aller le questionner. Parce qu'il y a un outil de reconnaissance verbale, exemple, si je parle de mes souvenirs au chalet dans mes questions, dans mes réponses, eh ben si mes petits-enfants disent « parle-nous de tes expériences au chalet », ben le logiciel va être en mesure d'aller voir dans l'ensemble de mes réponses celles où je dis le mot « chalet » et de leur proposer cette réponse-là à leurs questions, donc pour simuler, si on peut dire, des fausses conversations. Wow, c'est vraiment intéressant. Donc, les enfants, peut-être dans 2-3 générations, si le projet est développé vraiment, vont pouvoir questionner leur arrière-grand-père ou des choses comme ça. Oui, ben même, allons-y, à beaucoup plus court terme. Le projet commence cet été. Okay. Donc, il y a déjà le financement en partie pour le projet pilote. Alors, ça serait, si ça va bien de son côté, j'imagine dès l'année prochaine là, que le projet sera en marche et disponible. Donc, l'échéance est assez rapprochée. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant. Fait l'idée, justement, de voir préserver un peu les souvenirs, les questionner et éventuellement aussi, on imagine la richesse d'une banque comme ça où les souvenirs de tout un chacun peuvent être mis en parallèle aussi sur des thématiques et le reste. Donc c'est d'une certaine manière, en fait, je vois ça dans une démarche de tradition orale aussi, si on pousse exact. Un peu plus loin. Ouais. Alors, excellente idée. Oui, ça c'est Talk Alter de François Giard. Sinon, deux autres idées qui étaient issues du domaine de la recherche, notamment chercheur subventionnel de la faculté de médecine François Lelouch, qui lui est venu présenter son entreprise qui s'appelle Oxinov et un projet qui s'appelle Free O2. Il est venu nous dire en fait, regardez, quand on doit administrer de l'oxygène dans les hôpitaux, c'est un processus qui est vieux depuis 100 ans, qui a jamais été rénové. Donc lui dit, regardez, avec les avancées qu'on fait en télémédecine, on peut très bien bonifier les processus d'oxygénothérapie pour permettre aux patients qui doivent venir en hôpital pour recevoir de l'oxygène d'être beaucoup moins longtemps et parallèlement pouvoir leur permettre de retourner à la maison. Et la deuxième conséquence, de libérer des lits pour d'autres types de patients. Alors, de rentrer un peu l'oxygénothérapie dans le concept de la télémédecine, de la médecine à distance, etc. Et sinon, il y avait aussi Denis Boulanger qui, lui, est venu parler de Real Traffic Technology. Denis Boulanger, qui est un ancien de l'Institut national d'optique. Et, on le sait, sur le bord des autoroutes, et les gens qui circulent au moment où on se parle le savent aussi. Il y a des caméras un peu partout sur le long des voies pour permettre au ministère des Transports de voir, d'évaluer le trafic et de faire quelques analyses. Et donc, lui propose d'utiliser ces caméras-là et de les pousser un peu plus loin en entrant une application, un logiciel qui va permettre en temps réel d'analyser, de scanner littéralement le trafic pour faire une évaluation extrêmement précise de la circulation et pour pouvoir donc la fournir en temps réel à d'autres types d'applications, que ce soit des applications municipales, que ce soit des applications industrielles, que ce soit des applications accessibles à tous et toutes. Et donc, l'idée étant de mieux évaluer, de mieux comprendre les données, les évolutions, les variations du trafic pour aussi éventuellement mieux planifier l'évolution urbaine des secteurs. Et ça, c'est un projet qui a déjà eu sa phase pilote dans le comté de Santa Clara, dans la Silicon Valley en Californie. Et semble-t-il, enfin, il nous disait que ça avait bien fonctionné de ce côté-là. Alors, ce serait intéressant de voir aussi quel type de retombées, mais bon, il y a déjà des applications qui existent, GPS et autres, qui donnent le trafic, mais il y a toujours un laps de temps, fait, c'est pas instantané. Il lui disait, mais regardez, avec moi, mon système, ça va pouvoir être beaucoup plus rapide que celui-là actuellement. Exact. Donc, c'est des projets, même s'ils n'ont pas gagné, c'est des projets qu'on va peut-être connaître, qui vont se développer quand même dans les prochaines années. Oh oui, en fait. Puis, moi, je vois ça un peu comme des opportunités d'aller prendre le pouls des idées de la relève entrepreneuriale dans le domaine des technologies de l'information. Il y avait ceux-là, il y en avait bien d'autres également. Là, on parle de création de sites web, de valorisation de l'activité humaine à travers le jeu social, de recrutement social, de création d'horaires scolaires. Bref, il y avait pas mal d'idées. Et si les gens veulent avoir un petit résumé, justement, de ce qu'on vient de dire, sur le site de l'ITIS, itis.ulaval.ca, il y a notre résumé là, qu'on a produit de cette activité-là. Parfait. On va terminer avec l'annonce d'une série de conférences, les rencontres du numérique. Oui, en fait, c'est une belle initiative qu'on a réalisée en collaboration avec l'Institut canadien de Québec, nous, à l'Institut technologie de l'information et société. Donc, c'est une série de 4 conférences autour des thématiques sociales et technologiques qui vont être présentées ouvertes à tous, là. Entrée libre à la bibliothèque Gabriel-Leroy. On va avoir l'occasion d'en reparler en cours de session, ça c'est incontournable. Et notamment, j'y vais avec un petit survol des 4 conférences qui vont être présentées, notamment la première, le 1er mars, comment la 3D fait renaître le passé. Donc, on va essayer de voir l'évolution des représentations tridimensionnelles en histoire, en archéologie, et on va terminer avec justement les applications technologiques de ça et le renouveau que ces applications-là amènent, parce qu'essentiellement, en fait, Mathieu Rocheleau, étudiant au doctorat en histoire, lui dit, regardez, on est en train de créer un nouveau langage qui va permettre à toutes les disciplines de s'unir et de pouvoir parler avec les exactement les mêmes données, exactement la même représentation. Donc ça, c'est le 1er mars à 19h. Le 29 mars à 19h, on va parler de ville intelligente. Ça jase pas mal à Québec. Et est-ce qu'on a pris le temps vraiment de la définir? Alors, on va présenter aux gens, au public. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les technologies qui rendent la ville intelligente? C'est quoi les différences, peut-être, les divergences même de définition de ces technologies-là d'une ville à l'autre? On va faire un petit survol avec celle de Melouli, de la Faculté des sciences de l'administration. Le 26 avril, ce sera Milad Douéhi, titulaire de la chaire de recherche sur les cultures numériques, qui va venir se poser la question quel avenir pour notre société à l'heure du numérique. Il a fait des essais extrêmement intéressants autour de tout ça. Il lui dit, regardez, le numérique, c'est en train de devenir une nouvelle culture. Le mot numéricus, ce sera une nouvelle phase importante dans l'évolution, dans l'histoire de l'humanité. Et on termine le 17 mai à 19h avec du réel ou virtuel regard sur les musées de demain. Ça, ce sera Philippe Dubé du Laboratoire de muséologie et d'ingénierie de la culture qui viendra essayer de réfléchir de quelle manière les musées, avec les nouvelles technologies, vont évoluer, vont progresser, avec des exemples autant à l'international que des exemples de recherche, de projets réalisés à l'Université Laval. Parfait. Puis si les gens veulent peut-être revoir l'horaire des conférences, est-ce qu'ils peuvent aller sur le site internet de l'ITIS? Exactement, itis.ulaval.ca. Allez dans la section de nos activités, vous avez le détail de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on a fait. Parfait. Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut de technologie, information et société ici à l'Université Laval. Merci beaucoup, c'était encore une fois très intéressant. Ça me fait plaisir. Puis on se repart jeudi prochain. Sans faute.